بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين في شوال سنة عشرة، ودخل بها في المدينة وهي ابنة تسعة إلى آخره. كنت كتاب بيوس تصر سحنا ينتي صلى الله عليه وسلم ونتي شرح كبير وأزواجه قوة صحنا مي تي شرح يعقطة الحقائق سيد أحمد تجان رضي الله عنه وحنا تي والو جسون سيدة سورة سمع سيدة عائشة رضي الله عنها تلن يكور تلنو ورن تنبلي واه sayyidat wala aisha radiyallahu anha mom moy ñettel soxna ci mom la yentibi sallallahu alayhi wasallam jël fekk comme ni nga xamanté non la ko doon waxe ne ko sayyidina jibril alayhi salam mo ñew indil ma sa photo manam nema ki sa soxna la nung ko denc Sayyidat Aisha radiyallahu anha comme niñ ko gissewone bi Sayyidat Khawla radiyallahu anha ñoy jëm ci yentibi sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko dafa ndax du denk soxna parce que pour ñu mën topato xalé yi pour et cetera ak yu mel non ak tamit da koy dimbali comme niñ ko gissé ci jotay bi wess hmm xamne ci nitu yalla yi yu makki ak tiba ñom lolu soxna daf leen di jariñ bir mom manam da leen di jariñ ci seen walu yekitiko rawti na yenenti alayhi salatu wassalam yenenti bi yenenti yalla so comme niñ ko gisse won ci jotay bi wessu comme le alquran wax wa ja'alna lahu azwajan wa zurriya ne yerenti yalla borom subhanahu wa ta'ala bu len yone tamit daf leena defal ñu am ay soxna ak njabot lolu mom motax manam étape la bu am solo manam mbir la mu am solo ci evolution spirituelle mën na baña nek nak pour ñepp mais ñu bari lolu lu am solo la ci ñom yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax mu boole ci ñi nga xamantene ñom lañ ko sopplo ci aduna wala hubba ilayya min dunyakum dal di wax ne ap tip moy parfum dal ni wonni sa ak jigen ni manam ngir lolou non bako dal ni wa joy la qurrata ayni fi salat li nga xamne nak moy seral sama xol di dalal sama xol di seral sama beut deug mi ngi ci bir julli manam te mom moy borom bi yalla yalla borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamantene mom rek lay nekkal suy julli niki nonu ci parfum bi ak li nga xamantene tamit non la nekké ci soxna ci nonu la am le demé nonu tamit ci walu nit ñi nga xamantene ñom ñoy nitu yalla yu makki radiyallahu anhu manam waxuma nak yanti alayhi salatu wassalam ñom dañu am xéetu jaamu yalla gogou nga xamantene manam mom deur jaamu yalla gu reey la ci ñom même bu ñu jotté sen soxna non jaamu yalla la gu reey go xamantene danaka dañ koy gam gamlé ak julli dal ko dañ koy gëm gëm le ak julli ndax xet futu xat yi nga xamantene ñoom ñoo ci mëna am dañ koy gëm gëm le ak julli loolu d'ailleurs yentibi sallalahu alayhi wasallam motax yentibi sallalahu alayhi wasallam digël ñu manam digël ne nit ki masalan buy nekk ak soxnam mu tuddu turu yalla wala manam mu andak manam xalu tuddu turu yalla bobu nonu mais loolu du awami ñom liñ ci am mom moy ne comme niko sen joxe won jotay ci conférence gone yi voilà manam ñom lolu daf ni lam yadur manam du ko lor manam ci benen roi lam yadur hu shaytan shaytan du ko lor nit ki bu waxe hein manam ñaan gi nga xamantene mom moy amma bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana voilà légi kon lolu mom mo waral borom bi ki yenté bi sallallahu alayhi wasallam kon biko ndaw ci ñëwé rek wax ko bu xamné yeneen asrar tamit yo xamantene ñom la concerné ñom yenté alayhi salatu wassalam ndax nit ki lu muy gën di kawé ci digënté mak boromam li nga xamantene mom lay am ci ay xéeti xam xam yo xamantene da koy jago day gën di kawé tamit day gën di wuté lool mom motax amna ci yo xamantene dafa concerner yenente bi sallalahu alayhi wasallam amul ben yenente buñu yoni bu ko xam wala bok malaka bu jégué borom subhanahu wa ta'ala waxuma la nak ñeneen ñi nga xamantene ñoo leen gëna soufé maqama ci ay waliyu ak nit simple légui Sayyidata Aisha radhiyallahu anha kon mom bokku na ci ñu ko proposé won ba mu nangu dem ci Sayyidatu Umm Ruman radhiyallahu anha ne ko waw ban keur ban barke mo dugg ci sa keur gi manam comme nga xamne non lañu gisse won ci jotta ay bi wess lolu lu am solo la ci fetu doxal ñu gogou mu ne ko en la la mu ne ko sayyidna muhammad yantibi sallallahu alayhi wasallam moy tuddu sa dom ji aisha radiyallahu anha manam motax bi mu ñu bi sayyidna abakar radiyallahu anhu ñewé mom moko convaincre pour mu manam waxtaan manam wax ko ko ba ni mu déme dal manam ba mu jël ko légui biko sayyidatu aisha radiyallahu anha bint abakar as-siddiq radiyallahu anhu muna tazawwajaha radiyallahu gërem Allah bur yalla anu timu tazawwajaha dent nako jël nako soxna salla mom yenti bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam te musa ko wahiyete fek ndaw soxna ci bint doomu sitt sinina jurom ben atna lolou tamit gisone ci jotay bi wessu ci ne de lolou manam mu def na jël soxna parce que question bi c'était juste d'ordre culturel c'est-à-dire que question wu djel soxna ci fekk mu nek mak wala mu nek xalé mu am tel âge wala yoy c'est d'ordre culturel c'est-à-dire tay comme niñ ko xamé bu fekkonté né amna lenn luñ ci ñagn ak jamono joju té makalako jëlé won ak mo mak niñ contré won yent bi sallallahu alayhi wasallam bu doon amna lenn luñ ci ñagn ci mbir moma konontone dan ko suñu dan ko wax dan d'ailleurs mom lañu nek mom lañu mettre en avant diko ciow rek wala gis nga seen waji mom mariage précoce lay def nangam ki dugg fi genn fi alors que bi nga xamantene affaire bi demé wut non hein nga gis ñom waxuñ ci dara defuñ allusion waxuñ ci dara parce que tout simplement xamnañ ni lool seen aada ñom dañ koy def donc c'est quelque chose d'ordre culturel comme ni nga xam non la lañ ko xamé ci poli gis nga ñom non seulement dañuy téla mayé seen doomi mais ku ci am 25 ans amul jëkkeur dañuy fogné mom ki mom dafa ki dañ ko wara ndeppal parce que alors ah oui ay rap yu graw ñoko dal alors si ki d'ailleurs est-ce que dafa am wallu bu mu toy bu mu zabbi ko wala dafa est-ce que amul vraiment lu waral mu tok ba 25 ans wala 18 ans sax bu na 18 ans rek dañuy japp ne lamb na ki do amuti jëkkeur bu muy tudd ñu commencé inquiété wu alors que ñun par exemple suñu société wala fi en tout cas actuellement ku am 18 ans ñepp dañuy duñu xalaat ne dañ la wara may dañuy japp ne fa tiyal bo amé 25 ans sax ci lañuy commencé wa dina ci nga commencé wara commencé di xol ana kañ nak légui nga wara voilà wut jëkkeur hein donc question problème yep c'est que question d'ordre culturel la ak question wu ki la question culture la ak question wu localité voilà donc lolou mu jarul ciow lu bari comme niko ñi xamul dara ni di ciowé ak diko def ki ma ngi gis tan yele ben vidéo ben tubab la won bu doon wax naan woy lolu du won deug ma ngi gis sax pourtant am ay julit yu koy partager di ci contane ni sa nan waw ndaw si waw c'est net ay sa dela la c'était faux amul won si ki xawma ñata xawma 18 ans 20 ans la amone des choses comme ça 19 ans ay 19 ans voilà nan mag la won nangam ki mais lolu le pire moy julit ni ñi contane ci tuba bobu di wax lolu ñom ci seen bop manam nan lañ def ba réré lo xamantene ak ni mu siwé nga xamantene Seydat Aïcha radhiyallahu anha yentib sallam bimu koy jël am 6 ans la amone ak yoy lolu ni mu siwé 18 ans wala 18 ans ou 19 ans bobu ñuy wax est ce que du at bu yentib sallam so genn aduna parce que mom wa bi yentib sallam genn aduna Seydat Aïcha radhiyallahu anha 18 ans la mom 18 ans donc bi ngui koy jël ñaar après 6 ans manam ci le ko tak maintenant nak legui nak ci detail bobu lolou mo am benen detail moy fi chawal déjà wéru chawal la chawal moy kol lolou tax Seydat Aïcha radhiyallahu anha dan wax nan yeen da ngeen di wax ne xam nga ñom tamit dañu amone ay xéetu culture yoy ay li kenn du ci tak soxna ak fi kenn du ci wala legui mom la wax mune yeen da ngeen di wax ne chawal kenn du ci tak soxna wala kenn du ci kenn du ci jël soxnam manam kenn du ci yeggale mune be man chawal lañu ma tak te chawal lañu ma jël wala wéru wala moy wéru ko rek bon boudé sénégalais amna benen wér moy baraxlu bi ñu né wala wala koor gi ci bopam mais lolu aussi ki la quoi manam ngir manam ciosan bi dune dañ koy téré parce que dafa graw dafa dangereux dafa am bakar bu ci né wala day dafa gaf la dafa affaire bi dafa ay gaf wala yoy dé du lolu manam du mauvaise augure wala yoy mais que manam dañuy gis né té lolu calcul la manam moy nit ki suñ ko mayé soxna baraxlu ni wala ci koor gi mom na fi le koor bi mom bo ko tudde lako recc na fi le koor gi mom ah bo mo tudde lako recc wala mom bu nekké mbayen mom wëccu gu koor gi sax bo moy tut dina ci yaq kooram voilà donc yoyep hein voilà yoy voilà mais pour raison yoy la manam du calcul la rek voilà du maintenant dou ne dañ koy téré da haram ku ko def lolu baxout nangam dedet du ci domaine bobu voilà donc le kon hein kon mom bimu amé djuroom ben at lay ko djel mune kon salata ashara la manam ci fukelu at bi manam fukelu at ginnaw han nubuwat voilà wa dakhala biha way mi ngi dugg ci mom manam moy mi ngi koy djel manam ni ngi koy djebal fil madinati ya madinatu munawwara ala sakinha afdalus salam way fek mom sayyidat aisha radhiyallahu anha ibnatu mi ngi nek domu tisn djuroom ñenti at wala manam djuroom ñenti at ti da jigen di manam lu bari ci jigen ni ci lañuy maté wala lu manam lolu ce qui veut dire que Seydat Aïcha radhiyallahu anha dafa téla mat c'est à dire que nit ki su amé jigen su amé juroom ñenti at doy da di mëna mat su fekkenté ni jigen la mais mën na ko wéssu té du mat manam mën na ko wéssu té du mat mën na dem ba 13 ans souvent ni lég doga mat mais mbir mi dé dépend tamit ci localité comme ni ci wax Imam Shafi wax rahimahullah mune moy watuha ma ñom la gëna gis ñom ñoy gëna téla mat ci jigen ni té ñom ñoy ëpp gëna gaawa gis mbeureuk ni ci jigéen ni mu ne motax man gis na ci ci ñom ko xamantene moy région bo péninsule arabe bi parce que dekk lu muy téel gën di tang lu muy gën di nekk ci zone bo xamanté tempéré la nit ñi jigéen ni di gëna gaawa mat di gëna gaawa téela mat nonu voilà c'est lié lu ñuy gën di tamit lu muy gën di tang ni nga gis par exemple ñuy gën di soxla di gaawa am jëkkeur lolu tamit voilà ak tamit di soxla tamit par exemple ñu leen di xarfal mais xarfal pas dans le sens comme excision voilà mais circoncision manam comme yi ñuy defal goor yi ñom am nañ circoncision mais pas excision voilà deng légui ñom motax imam shafi radiyallahu anhu mune man gis na mam jo xamantene ñaar fukki atak ben la am nonum ko xamne mam la benteena waaw ndax dafa am wala dafa téla am dom ju jigen koko am dom muy 21 ans voilà mais bimu am 21 ans fekk na ndaw ci nek na mom déjà légui mais lolu bo xolé possibilité logique bi nit mën na nek am 18 ans nek mam parce que boudé période juste jamono jour bimu am 9 ans ci lañ ko mayé fekk mu am mu mat commencé gis mbeureugam am dom wala bok mu waron gis mbeureugam mais jotuko gis parce que dafa nek and ak jëkkeur di am manam eumb daali jur dom ji ñu ko juré ñu tek ci 9 ans ndaw soos manam xalé biñu juroon daali ñu mayé ko momit ci même ni li dalon yaay ji dal ko kele day daal nek maam ci 18 ans voilà kele nek maam ci 18 ans yépp mëna nek mais imagine subhan rabbi ki nek na maam ci 18 ans mais ki 18 ans mom xalatugul sax am jëkkeur manam nga xamantene fanam day gatt ay fanam manam fan yi mu dundu bari na mais defu ci dara manam réa manam defu ci dara dal manam voilà voilà bon légui kon lolu motax juroom ñenti at yoy lolu mo motax ñu nat ko motax comme le sayyid al-rasul radha Allahu anhu idha balaghat al-mar'atu tis'a sinina fa hiya no idha balaghat bint tis'a sinina fa hiya mar'a manam xale bu jigen bu amé 9 ans rek légui manam xétu djégg la dal manam dotul goné légui nak jigen deug la manam mat na jigen voilà mais lolou daf ko naté ñom ci ñom zone géographique bobu ñom ni ñi téla maté mais sinon bo xolé ñun suñu zone géographique environ 12 13 ans yoy la 12 13 14 ans yoy la ñun suñu zone géographique voilà donc lolou yépp affaire bobu yépp dafa mata baye xel donc yépp déjà question localité la ak culture donc yu bari ci mbiri voilà localité culturelle waaw benen bir bi nga xamantene mom mo am ci walu sayyidat aisha radiyallahu anha bok na ci jaloore mi moy comme niñ ko xamé mom mo taxone ben aatu tayammum wacc ko aatu wudu tamen ko may aatu tayammum mom mo taxone mu wacc moy wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahad min qa'id aw la mustamun nisa afalam tajidu ma an tayammum sa'iran tayyiban hein fek ñu jige won khaswatu muraysia hein xara bobu nonu yantu bi sallallahu alayhi wasallam jital gaay parce gaay bon dox ba son après ñu muju war nopalu hein sayyidat aisha dali ñu jokk yew fek chaq bi nga xamantene mom la ko ki alon c'est asma bint abakar radiyallahu anhuma manam magam mo chaq bobu nga xamantene mom lako alon chaq ga rir yantu sallallahu alayhi wasallam da ne kon gaay nañ tok xaar ñu jëm ko wër ak set ko ak yoy biñ koy wër diko set faf nak fofu ñu nek amuñu ndox amuñu ndox biñ koy wër diko sét de gisunu ko nangam heureu jullu jot ak yoyé xamuñu nu ñuy def parce que légui nek tok nañ amuñu ndox té jullu jot na dafa ñu jull ah nu ñuy def borom subhanahu wa ta'ala wacce ay bobu di wax ne manam di wax walu ndiap ak ca ngay farata ba pare dali joxe tamit circonstances yi nga xamne mo fi nek te ndox amu fi wala bok mi ngi fi mais munu ñu ko jëfëndiko lolu su amé mune na ngeen tim motax sayyidna usayd ibn hudayr radiyallahu anhu dal niko ma hadhihi bi awwal barakatikum ya ala abubakar li nekul sen barki bu ndeuk yeen wa keur abubakar radiyallahu anhu wa sayyid wa keur abubakar sayyidna abubakar radiyallahu anhu dañu bari barki wa mune li voilà manam le fait que gis nga affaire bi melni comme si voilà il y a un problème indi na d'ailleurs kéro biñu tax togué nonou té ndox ki gaay amuñu ndox ñu téyé len fofu yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew mu sédna abakar radhiyallahu anhu wa sayyid aisha radhiyallahu anha dama do fekk yeen ci sallallahu alayhi wasallam tudd manam sama lupp bi manam fi la tek bopam meena sayyidna abubakar radhiyallahu anhu ñew jël baram bobu di ko door sama bob bi ya ñu fité ne wallah me xolal tegg mi bu dul won bañ bima bañ yenente bi sallallahu alayhi wasallam yew kono to door na yëngatu wa malgré lolu mais lolu da ko do ne ci bayam tamit bayam sayyidna abubakar radhiyallahu anhu bi nga xamantene mom la andon ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci xurwi bi nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam tamit manam biko mom biko ki yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu njegenayo ci mom bi muy bi affaire yi bu ko jaan bi fete ki maté ki bi dangar bi di ye voilà manam nangouta yeungatu ngir bañ yenenbi sallallahu alayhi wasallam yewu wala ba ñaqam mo tok dal ci kaw wala dal ci kaw yent bi sallallahu alayhi wasallam muy doga wala muy doga yow donc lolu hein wala lolu tamit manam li bay bi defon mom la dom bi def rek wala ah yaani fere yaani fi teye bu fi fi tolu jaa wala lolu tamit day tektale ne manam xam nga yantibi sallallahu alayhi wasallam xam nga dafa bëgg sayyidat aisha radhiyallahu anha ba motax manam lolu tax par exemple ci xam rere muna a gaay nañ taxaw ba ne ñu baña continuer mais nañu sét taxaw ba fa def ko mujjëñ ko gis hein wa mujjëñ ko gis mujjëna fe mais pourtant mom sayyidat aisha radhiyallahu anha and ak lolu yeb manam sayyidna abubakar radhiyallahu anhu mom dafa ñew mom dafa jappé mbir mi comme si que ni dom ji limu def manam lu xawa ñaka mandula manam lu xawa manam jaadu dal motax mu ñew diko corriger non lolu tamit dañ ci xamé ni manam nit tamit même bu fekkete ne mayena domam te dom ji nek keur jëkërum am doxalin bo xamantene jaadul mom meun na joge fa la ñew ne doom ji li ngay def ni jaadul manam kiko rappeler ko à l'ordre aussi bi nga xamne kon sayyidat aisha radhiyallahu anha mbir mi deme na nonu digeunte ak manam ak evenement bo borom subhanahu wa ta'ala ci la wacce ay mako pa ko def ni mom bougerul non bob bi rek doon yeungatu mom ne wa mena am nga dafa fort ba nga xamne sulul won lima bañ yeen bi salama yow kon doon na yeungatu manam me nga gis manam wala yeungatu legi bokku na tamit ci ngeenele bi moy bi xam nga xew xew bob bi mu amé après bi affaire yi feñé bañuy dem dañu sonnon nak ñom biñu sonné manam Seyda Aisha la dañ fi mu teudon non di noppolu parce que après dañ juk dem mais comme ki bi en fait dañu amone ben genre voiture quoi comme genre voiture la ni mais yo xamantene dañuy mu dañ koy mur ni manam mu am ben xétu bass wala mbar ni bu ci ne mom ci bir la nekkon légui nak buñ ko jëlé pour yobbu ko nonu ñu gis né mais comme Seydat Aïcha radhiyallahu anha dafa woyofon lool tamit day dindi benen wax xam nga leg dañ nan waw xam nga Aïcha c'est parce que bo gisé manam moy gaay yi ki bo gisé Nabi sallallahu alayhi wasallam takkon ko fekk mu ki bobu c'est parce que dafa télon dafa magone dafa amone doole dafa ki dafa ndjolone dafa ki mais lool xam nga hadith bi da koy dajji parce que le fait que ñu mënu yano affaire bi di dox di dem té duñu xamné mom nekul ci bir moy wané affaire bi sans mom ak mom daana ko jégué wonañ manam ci quoi voilà légui après biñ démé nak ci la ko manam ci la xew bobu am ak sahabi bi jël jappon ci loxo bi bon pa jappon ci loxo bi manam bi ñew fekk ni subhanallah ci la yew après mu voilà mom lim ko dimbalé rek moy dafa waccé geulem xam nga geulem bokoy ci dang koy waccé bu mu waccé mu doga yi voilà après mom mu japp ci ngala bu geulem di dox Seydat Aïcha radhiyallahu anha nek ci kaw ci le Abdullah ibn Ubay ñu salu daal di commencé wax hé hé né yeg ngeen ko moy ndaw si soxna su ndaw si soxna yeen mais soxna su ndaw si seen waji mais gi ngeen lim def non mom day dañ ko fekkal da di commencé wax acca rumeur bi juk ba ciow li am comme niko ñep xamé ñu wa histoire bobu bu mu yex ci jeung gaay di ci wax taw lu bari ci ba ci fin bi bu ko yaayam yegge pek taw lu da fay bari mais xam nga lu yeme moy leg leg te lol day continuer ba legui dañ koy gis manam ben affaire day xew mais les concernés ne sont jamais au courant manam dañ koy ciow fi ki wax fi ciowle nak commencé wour deuk ndegate moy actualité mais ñom ñi nga xamne ñom la concerné won yentim salama degout te mom moko jëk yépp sayyidna abbakar radhiyallahu anhu yegout yaayu sayyidat aisha umruma yegut sayyidat aisha tool nak nan ko ci mbedd dengen li xew yengen ko nangam soxna ci mom day dafa mom dal xamna ni dafa tromper jeukir ji nangam et cetera acca ni ciow lolu amé dal ba sayyidat aisha radhiyallahu anha bu ko yegge affaire bi da ko metti fe barko mais mune yende bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa gisone de te jamono joj kat da fe waron de ñew yende bi sallallahu alayhi wasallam bu ñew rek bi mi def rek moy day ñew ubi tante bi kay fetti ko na ngeen def non gaay ni ko di jaam rek bu daal di teñ def yoro manam mom dal reaction yep lool lool na ngeen def ki acca ñu nako ñi ngi ci jaam acca mu dem yoro mom mu gis ne attention bi yentou bi sallallahu alayhi wasallam amone ci mom pendant un mois attention bobu mu melni nekoutou fi te lolou encore lolou bok na ci liko gëna metti mais xam nga bo xolé lolou yentou bi sallallahu alayhi wasallam ni mu réagiré ci période bobu bok na ci réaction yi nga xamné leug leug ñu bari dañuy dafa dañu am leunt ci réaction bobu ndox soit parce que dëkk gëm dafa gëm lool wala gëmuko alors qu'en réalité gëmuko mais ni le mën réagir parce que il faut que mu samonté zahiru mbiri man il faut que mu samonté zahiru mbiri manam munul tout temps xam nga yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ak liko yalla xamal yep ci walu batil du fi nek tamit tout temps lu xew rek mu ne ci batil xamona xamna nangam xamna nangam dedet day samonté ak zahiru mbiri parce que zahiru yi dañu am teggine batil yi am teggine donc day samonté ak teggine yi nga xamne ñoo aju ci zahiru mbiri lool mom motax ñu wax ko loolu mu réagir non té lool tarbiyé bu maga la ci sayyidat aisha radhiyallahu anha bu mu ci juggé jeexna parce que li lay wone bu mu ci juggé dafa yegg ci yalla deug moy bimu ñubé seen kër bimu ñubé ba ñu ñew ne ko ba ay bi wacc ay yi wacc pour sétal ko nga xam tane fukki ay ak ben yo xamne dañu wacc ngir rek sétal sayyidat aisha radhiyallahu anha lolou moy wone vraiment magdayu sayyidat aisha radhiyallahu anha xawmu won ni magena ni ci sama borom bamou jatt non vraiment mu wacc ci man ay fukki ay ak ben ngir sétal moy nek sourate nur té yoyu nonu bimu ñëwé ci mom bimu wa manam wala bimu waccé ni nako duggal nga sante yeralante bi sallallahu alayhi wasallam mune man yalla lay sante manam ko ce qui veut dire que amutul barrière digënté mak boromam période bobu manam motax affaire bobu nonu yëm yeen bi sallallahu alayhi wasallam ni mu réagir sax daf koy gis ne manam daf ko dafa dindi lepp lo xamantene digënt wala té lolou mom sëriñ dëgg non lay doxal ak talibé manam da koy tar bi yar étape par étape étape par étape étape par étape bam dess ben étape ben hijab ki ray kessé mu taxaw nak dindil ko ki ray bi da ni ko ha anta warabuka yaak sa borom ni ni légui nak man bokkutuma manam moment bobu nak ci la sëriñ bi di dog retiré wu motax sëriñ bi ben moment lay retiré wu ci tarbiyé bi mi tarbiyé talibé bi moy juste moment bi nga xamné ben ki ray rek mo dess moment bobu rek lay retiré wu nako yaak sa da koy dind rek nako yaak sa borom ngok dal di delu manam kon bo xolé lolu yeen tou sallallahu alayhi wasallam non la doxal et puis bo xolé même ci julit ni ci seen bir da ngay gis comme ku melni abu ayyub al ansari radiyallahu anhu ak soxnam umu ayyub radiyallahu anha ñom par exemple ñom la aya bi dox nan lawla in sami'tumuhu dhanna al-mu'minu bi anfusihim khayran wa qalu subhanaka hadha buhtanun 'azim manam lu téré be bi ñeen déggé wax du grawé nonu ci sayyidat aisha radhiyallahu anha mu ne julit ñi ñott seen bop lu bax motax mom lool la ko wax lan la ko wax ñu ñëw ne ko wax de yeeng nga di xew soxna sa ñew laaj wa yeeng nga li xew lan la soxna yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam kan asay def aish la de la ha ko ah mom de li ni wax ci mom de muneko me yow est ce que yow lol ding ko def muné man del duma ko def muné ko est ce que xam nga ni sayyidat aisha mo la gën muné ko waaw mune ko yow nga ni doko def te ki mom mo la gën yow nga mën imaginer ni mom dina ko def jaar après nak sen comportement bobu mom la alcorane di tag ci ay bobu non mais lu téré won ñepp doxale comme ñom niñ doxale la subhanaka hadha buhtanun 'azim tuddu nañ sax sel nga gatch nga la mayaw li de aw sos wu reere la wu graw d'ailleurs ci bir xetu doxalen bobu amna ben qissa ci israiliyati bo xamantene matna bayyi xel te diko moy tandiku te diko daw nit ñi dawe gayde wa moy histoire bu ñuy netal digënté yent yalla daawud alayhi assalam ak kenn ci dagam yi né soldat bi da ka doon yoni mu dem xawma mu dem 199 fois fekk dafa gis soxnam manam soxna yi soldat bi gis bëgg légui mu diko yoni muy dem di len station mu yoni wat mu delu ci wat station mu yoni wat ko bamuy 99 ta santé mba ci la déssé fofa mu do tak soxna ci bañuy wax sax nan borom subhanahu wa ta'ala bam ko réprimandé ci lolu ñuy né bi mu yexé ci bamélo waji diko waji nopi manam pour rat mais xéxu bon ba histoire bi jeex qissa bobu la bi may jundju yakarna xam nañ ko subhan rabbi lolu c'est ab simple non koku waxuma sax nit ku sori ci walu yalla mais simple julit bu xawa ragal yalla touti du doxale nonu voilà lan lay xalat ci ab yenat motax Sayyidina Ali karamallahu wajhu di wax ne d'ailleurs Imam Al-Alusi indi nako ci ruhul maani ci ay bobu ne histoire bobu kep ku ko netali war nañu la door 80 ku yare lako ndax da nga jiñ ab yenant musiba bu dol non am dang ko tuma te pourtant manam netali gi rek ci jëmmi netali gi ci jëmmi bopom rek manam mom rek jëmmi ji rek bakkar waxuma la manam bakkar bu graw la waxuma la nga gëm ko nak wa yalla nañu yalla sam wa parce que non seulement wax ji teggout fenn wax ji amul ciosan lulul neex ci israiliyat yi da bok voilà yalla nañu yalla sam leg leg nak yu mel nonou deg parfois giñ koy deg ci yenn kilifa yi day tax bañu fogg ne non xana non koku non parce que deg na serigne diou wala diou sax wax ko mais cela ne veut strictement rien dire mais strictement rien yalla nañu yalla sam sayyidata aisha radhiyallahu anha borom subhanahu wa ta'ala ko wacce na alquran ngir setal ko ba pare saxal na ne kep ko motax ñuy wax ne kep ko xamantene dafa ngagne sayyidata aisha radhiyallahu anha ci wax ci mom lu ñaaw lolu manam wala bok nga wax ne dañ ko tuumal te tuuma gogou deug la manam da nga daal nek yefir lutax parce que alquran wacc na ci setal deram ba mu set wicc wala dañuy wax ni amna ben labbe ni xam bu mësona tok ak ben imam ci ben xet débat yi moy débat yi faral di am mu ne ko yeen da deg na sen soxna ci yarante day dañ ko don tumal ak manam dal ak trompe jeukeurum munako lol ci tontu munako mais da nga bëgg ma tontu la ci alquran ci taxi wala ma tontu la ci xel munako no tontu ma ci xel munako su fekkante ni dañu ji ñaari nit ne dañu ndialo ñaari jigen kenn ki indi dom kenn ki indi wul dom kan lañuy deugal kan lañuy gëna japp ne mo gëna probable ne muneko waaw muneko sayyidatu aisha dañ ko ko jiñ sayyidatu maryama dañ ko ko jiñ sayyidatu maryama indi na dom sayyidatu aisha indi wul dom muneko dede tontu ma ci alquran mundu ko ay munako and ak lolu yep ñun li ñu gëm mom moy ne kenn subhan rabbi ñom ñep ay ñom ay siddiqiy lañ ah siddiqa lañ radiyallahu anha muy sayyidatu aisha sayyidatu maryam ñu siddiqa siddiqa lañ radiyallahu anhu alquran motax yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ne jigen ni manam ñent ñoo ci mat ñent kamula min ar-rijal kathirun walam yakmul min an-nisaa illa arba'a manam ñu lu bëré bëri ci goor ñi mat nañ mais jigen ni ñent rek ñoo ci mat muy sayyidat fatima sayyidat khadija sayyidat maryam ak asiya bi nga xamne moy soxna fir'aun mune waye ngeenel mune fadl aisha radiyallahu anha ala sa'ir nisa ka fadl as-sarid ala sa'ir at-ta'am sayyidat aisha radiyallahu anha nim geene mbolam yenen jigen ni moy comme sarid numu geene yenen ñam yi wala sarid xetu sen ñam la won buñ dan ki ñom nga xamantene mburu mu woow la xam dañ koy deub bu mok ñu bolé ko ñeex mo xamna ndox bare bare ak tuti yap lay lol waaw nga waaw ñom wala wala wala wala ça dépend dal wala bon xam nga comme que dafa relatif et puis culture question culture la donc mënuñu ci deugal yenn xéet ki wala kon mom ñam gënal gogu mu tuddu ci sayyidat aisha radiyallahu anha buñ ko xolé haqiqatan dinañ gis ni budé yeneen jigeen ñi ci dess manam ci buñ jëré jigeen ni ki ci gën ci luñu joyal moy sayyidat fatima radiyallahu anha ndax bid'atu min an-nabi sallallahu alayhi wasallam manam aw dogit la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam motax même woute bi ci borom xam yi woute al-hafiz ibn hajar al-haythami rahmalahu mun la ufaddilu ala bid'atin min an-nabi sallallahu alayhi wasallam ahadan duma gëna rek kenn ci kaw ki nga xamne dogit yenente bi sallallahu fatima tun bid'atu minni fatima aw dogit la ci man lo yent ko sallallahu alayhi wasallam likoy contane lo daf may contane lo likoy mer lo daf may mer lo wala benen mbir bi nga xamantene mat da leral amna ci jotay yi wessu yakarna ci souligné won nañ ko ci ben fait historique buñuy faral di netami mais biñu goudé Isra wal Mi'raj xam wala ba ci ëlëk sa xéet yoy ci la ñu indil ben ñamu aljana bu sayyidatu bu buñ jox yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidatu khadija radiyallahu anhu lek ko ci lañu manam lolu nonu lek ñamu aljana joju mom ci la ñaari manam produit bobu nonu ci la sayyidatu fatima radiyallahu anha sosowe té lolou nonou ci walu historiquement da ngay gis né mënout nek yanout manana lolou benn point la mais ndax benn mënou nek parce que tout simplement sayyidat Isra wal Mi'raj ñu ngi amé kay bi sayyidat Khadija génné aduna radhiyallahu anha lolou déjà benn la ñaaral bi moy mënou nek que mu nek tamit même buñu natalé benen bir bu mu doon ci walu gogou parce que tout simplement lan parce que tout simplement sayyidat fatima radhiyallahu anha mi gane aduna djuroom ben at avant yaramti bi sallallahu alayhi wasallam ñukoy yoni 6 ans avant révélation kon lool mënul né mais amna benn mbir bo xamantene mat na baye xel ci point bobu moy ne benn réalité la nak bo xamantene haqiqatan awami duñ ko xam manam masse populaire commode mortel ni mënuñu ko duñ ko xam te duñ ko comprendre mais réalité bobu lu mata souligné la ci point bobu au moment où ci jawahirul maani sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu bi wax ci magay sayyidat fatima radhiyallahu anha dafa tuddu ben réalité ci bobu ci réalité bu jégué li ñuy wax ni manam moy né dañé Sayyidat Fatima manam sel gi mu sel xam nga li tax kenn ci jigen ni munuko munul am niveau spirituel bu mu am motax Sayyidat Fatima mom rek mo meuse nek khutbu zaman nek khaws ci jigen keneen ku dul Sayyidat Fatima munuko am parce que ci jigen ni parce que lan motax parce que limu laaj ci ay tajalliyat manam ay manifestation yo xamne borom subhanahu wa ta'ala daf koy def ci ki nga xamne mom mo nek khutbu zaman ak limu wara taxaw teewu teeyiko ci ay walu leer ak boole ko ak mom mu taxaw taxaway nek ruhu moole minde fi de telle sorte que lepp lu nek ak akam ak nam wara doxé lepp mom ruha mo koy dawal lolou nonu dafa dis ay go xamantene deja goori ni ko ci man am yanu beuri won jigen ni nak li tax munuñu ko yallu c'est pas parce que manam jëmmé goor mo gën jëmmé jigen du lolou mais c'est parce que jigen ni dañuy am période bo xamantene dañ ci gis sen ay mbeureut té période bobu manam senu jaamu yalla day wañéku té yenn tajalli yati duñ ko mun am et que moment bobu nonu lolou nak goor lolou na jigen joju wa musil té lolou nonou jigen nonou mënuñu ko manam jigen ce qui veut dire que ni moment bobu du ko mën atal té comme que khutbu bi ki ngi koy nek amul benn moment di attention bu mu wara am amul benn moment bo xamantene dina tok té jallu yaat yoy duñu yex ci mom ba nga xamantene day dispatch affaire exactement ni mu wara nekké lolou mom motax jigen ni mënuñu ko parce que 10000 manifestation nga waxone par seconde 100000 waaw manifestation par seconde non par tiers 100000 manifestations la partias yo xamantene non mais yoy moy yi nga xamantene ben ci ñom kessé bu ko yalla borom bi seddeli won ci aduna bi sey ndax du ko atal xuddu bi tout temps mom lay jël ba paré tiers bi ci téggu limi am ci ay manifestation mo upp manam day nek multiple 100000 manam 100000 fois lu jëk non ba ila ma la ni haa manam ba ci ajak jak moy infini donc lolou jigen atunuko ngir raison bobu non et que natureu jigen manam nature niko yalla binde naturellement mo mel non donc question bi du sax question ngeun mais question responsabilité la bo xamantene mo mbir mi non la demé motax jigen du ko mun nek waxuma la nak di nek bi yenent mo gën fort lolou tax jigen tax du ne yenent légi so comprendre lolu question bi ben rek lay nek moy ana naka la sayyidat fatima radhiyallahu anha and ak lolu yep nekke meuna nekke jigen ba pare meuna nek bu zaman parce que nek nako djuroom ben wèr yu mat seuk moy avant muy dem di fekk ji bayam wa 6 mois yu ñu rawante lolu liko indi moy mom manam ourul ayni la bo xamantene dafa nekkon ci kaw souf li nga xamantene moy liko constituer mom en tant que tel lolou produit la bo xamantene aljana la ne manam liko constituer yu fi aljana la du lo xamantene lu fi la te liko constituer mom en tant que mom seyde ki seyde fatima la dal motax mom dalul gis mbeureuk comme yeneen jigeen ni del dalul gis mbeureuk mais lolou so guissé ni mu nekké nak mbir la mo xamantene lolou nak ci lay ñew keñ mbir la mo xamantene awami ñom duñ ko comprendre parce que ñom dañuy japp né nit ki bala mo mëna nekk limu doon il faut que mu mëna juddu ba paré manam ba taxaw voilà wala bok manam malgré que yenen tibi sallalahu alayhi wasallam yonne guñ ko won mais yenen tibi sallalahu alayhi wasallam réalité deñu won di exister naka tek comme ni nga xamne non la ko waxe biñ ko waxe naka kañ nga nek yenen mata kunta nabiyyan mune wa adamu munjalad fi tinatihi manam fek adama ñu koy moñ ci banitam ci la nek déjà prophétie ci la nek yenen di doxal nubuwa gi donc lolu manam lolu moy réalité sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ci haqqam comme niñ ko gissé ci yaqutul haqaiq bi ni gis nañ ko ci gisat de telle sorte que affaire bi légui lèr na yaakar na ci domaine bob yeronte bi sallallahu alayhi wasallam le fait que mu nek kon mom mel nonou nek lèru kessé sallallahu alayhi wasallam nek ko xamantene de telle sorte que d'ailleurs comme ibn abbas radhiyallahu anhu amul won kër ndax lan mom ci jëmmé bopam lèr la won motax amul kër bu taxawé ci kanamu jant bi mom moy gëna lèr jant bi su taxawé ci kanamu wër moy gëna lèr wër su taxawé ci kanamu lampe bu mën doon moy gëna lèr loolu mom mo waral manam affaire buñu tapé ci mom ba indi takandër loolu la sallallahu alayhi wasallam té loolu am ci mom loolu mbir mom nek ci mom loolu mom mo nek ci dogitam muy sayyidatu fatima radiyallahu anha kon affaire bi ghaibu la manam fi ghayatul butun kumpa la go xamne dafa nek ci lu nubut lool ba nopi dogitam la ci haqiqatul muhammadiyya donc manam c'est à dire que dafa jitu te loolu dafa jitu espace ak temps bi manam buntu bobu la manam ci la nek ko xamantene mom liko constituer en tant que tel aljana la manam aljana la bokul ci souf fi ni aljana la bok donc lolou la lolou mo indi manam moy realité bobu non donc bokul ak voilà mais comme awam ñoo mënu ñu comprendre lolou xamna ñu créer histoire bi yalla ñu yalla sa deng voilà hein c'est d'être mais mom wa comme ni ko waxe sank daru gis mbeureuk del daru gis mbeureuk ndax ñu mel la natureum la xam nga jigeenu aljana yi duñu gis mbeureuk wa aswadu mutahhara non la wa lahum fiha aswadu mutahhara lool lay tek moy urul ayni ñom duñu gis mbeureuk ñom dañoo lap ci bëpp lepp lo xamantena tilim tilim la ci tak tak wala yoon wala wala gis nga yaayam legui rek ci seen biir ñoom bo xolé soxna yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ak ci seen biir borom xam xam rahmatullahi dañuy wuté tamit kan ci seen bokk mu ñu kan ñu muñal mo gën kan mo gën seen biir xam gi ñu xamne sayyidat khadija ak sayyidat aisha radiyallahu anhuma ñoom ñoo gën ci luñu teyal koku mom dafa leer lolu wuté wuñ ci ginnaw gi ci la sayyidat hafsa ñoo radiyallahu anha mais digënti sayyidat khadija ak digënti sayyidat aisha radiyallahu anhuma ana kan ci ñoom ñaar mo gën borom xam xam nak souvent dañ ci xëccu mais dañuy faral di wax nak ci ben dañuy faral di indi ben tahqiq surtout ñu mujju ni que ni bu fekente ne ci walu jappale yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam ba mission bi dox ni mu wara doxé ba kiyo manam lolu sayyidat khadija mo gën bu fekente ne ci côté wu té xam xam bi transmettre ko jangalé ko ba l'islam bi tay yex ci fi mu yex ci koku sayyidat aisha mo gër radiyallahu anha ci buntu bobu mais ngir waral ngeenelu gis nga pourtant ci manam ngeenelu dox manam côté bobu non ni mu jara ñak négliger motax xol cheikh abdass dabba radiyallahu anhu mune mom bu deme ci diwanu salihina mune ne sayyidat aisha bu ñewé ak sayyidat khadija day gis ne sayyidat aisha leram mo upp doole leru sayyidat khadija radiyallahu anha voilà manam ci kaw lol kon dañu xamne sayyidat aisha mo gën wa man nak sayyidat khadija la gëna bëgg man mom la gëna bëgg mais sayyidat aisha mo gën wala wala ndax mais ala kulli hal ñom ñep seenu gën gi ñu gën yenen jigen ñi ci univers bi lolu du lu ñuy wérante mba di ko na tablé waaw du sax lu ñuy waaw wérante mba ñu koy na tablé wala sayyidat aisha radiyallahu anha d'ailleurs xam nga hadith dañ ci motax affaire bi borom xoxom yi li tax li leen di gën di jaaxal moy lele yentou sallallahu alayhi wasallam day wax ne mom moy moy yalla daf moy daf ko tan daf danan diw de comme mune fatima yalla de da ko tan comme sœur maryama la ndike sax comme le alquran wax la tafaka wa taharaka wastafaka ala nisa'il alamin manam mo la tan ci kaw manam yalla da la tan bel la ci kaw mbole manam jigeni aduna mu ñew wax sayyidat aisha khadija radhiyallahu anha yantum sallam wax ne yalla moko tan ci kaw mis ala nisa'il alamin mu ñew tuddu sayyidat fatima wax lool tuddu sayyidat aisha radhiyallahu anha anul jami'a wax lool donc loolu yoyu moy xawa jaaxal borom xam xam yi leg leg manam naka lañ mëna waxe ni ki mo gën ci mbok ci jigeen aduna yépp voilà legi nak loolu mo motax ni comme ni alcorane waxe manam loolu buntu manam buntu tontu gi mi ngi ci ñu gis ni alcorane di waxe même bimu waxe hatta ci banu israël né yalla mo len tan alal alamin wa faddalakum alal alamin mo len gënal ci kaw mindeef yépp mais loolu moy alami zamanihim manam moy seen manam aduna jamono ñom sino xet bi gën ci xet bi comme niko alcorane waxe kuntum khayra ummati ukhrijat lin nasi voilà yeen gën ci xet yi yalla gënne ci mindeef yi te ñom ñoy jamono sahaba ay radhiyallahu anhum déjà moy en premier lieu julit ñi teggu ci ñeneen julit yépp teggu ci niki nonu jigen ñi tamit kenn ku nekk ci ñom ñi nga bokkal jamono ya ci gën budé sayyidat maryam ñom bokkal jamono mo ci gën budé sayyidat khadija ñom bokkal jamono nakam bi amu ci budé sayyidat fatima nonu bam fi joggé sayyidat aisha ko ñom ñep kenn ku ci nekk sa jamono yow ya ca gën mais nak buñu jëlé nak une aduna bi yépp nak dafa am sayyidat fatima radiyallahu anha lo xamantene da ko jago ci cielaté ak ci tanef borom bi subhanahu wa ta'ala lo xamantene surtout ko ñom ñoy ahlul aba'i comme niko hadith bi waxe hein nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jël ben xéetu mbaaji ni talaw ko ni nañ duggu ci jël sayyidina ali duggal ko ci jël sayyidatu fatima jël sayyidina hasan ak husayn radiyallahu anhu allah dal di wax ni ñi ñom ñoy sama wa keur han te lolu manam sang gogu mu len sang ci muray gi nonu du sangu kesse comme ni nga xamantene non lañ koy meuna gisé du sangu kessé parce que mais parce que lolou mom mo waral bi sayyidat umm salama bi solo hadith bi radhiyallahu anha né man yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma ñew après mu ne ko dédé ñi manam ñi dafa am lu jago manam té lèr gogou non mo leen top ñom lèr gogou mo leen top deug rogalat non seulement ci sen jabodi mais rogalat aussi ci sen talibi motax bo xolé wa ahlu tasawuf bo xolé ñom ñep leer gogu nonu manam ñom mom lañuy transmettre manam lool d'ailleurs mom moy esprit wu khirqa bobu ñuy wax manam esprit bi manam yere bobu ñuy sol hein lool moy esprit bi manam du solo yere kessé mais leg leg ñu amé nenañ ñu koy défé comme dayante bobu comme leg leg ci kurus comme et cetera comme rofalante ay loxo et cetera comme manam xet yoy non mais en tout cas lu symbolique la rek non comme ni mu waxone sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu yu mu talale kiyo kala gi muy def ni diko asab manam da fay melni kon ci biti lay asni mais en réalité ay leer ak ay xam xam lako don asal motax lu mu deg doon ko fatete te bu ko jappé ni ko jappé non la koy doot jeexna lumu deug da koy mokal te bugul joxese ba japp jeex na duko fat xam nga lolu voilà yoy ay xéti leer la manam yoyu pourtant da ngay gis ni motax ñom bokku ñu ak ñeneen ñi ci def manam famille bobu bokku ñu ak ñeneen ñi ci def wa yeen yeen tib sallallahu alayhi wasallam defal bo xolé motax barke motax yoyu nonu manam ay realité la yo xamantene souvent awami amatu nasimi duñ ko comprendre dañuy fogné manam affaire yépp ci ñafé bi la quoi manam fokk nga voilà mais amna lo xamantene ci xéetu ngeenil yuy fekk nit lolu nit duko liggéey abadan li nga xamantene deug mom lañuy rawante deug du lu nit ñi di liggéey lolu kuko fokk c'est parce que xamulo deug lan moy jaglé borom bi bo xamé deug lan moy jaglé borom bi li nga xamné nit limi doon deug likuy yekiti mu mel deug manam mu nek ko xamné il est vraiment au-dessus de la mêlée vraiment lolu du nek lu muy liggéey lu ko yalla moñalé la manam ci tosanam non lay mel té lolu nonu ay xéti mbot lay doon yo xamné nitu yalla dana ko def ci nit manam nitu yalla secret bobu deug dana ko meuna jël duggal ko ci benen nit té bu ko duggalé ci nit ki moy liñ doon wax Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu day def lolu day fekk ben way ko day fekk nit ko xamantene da koy fekk ci biiru yaayam han fekk juddogul mu jël secret yalla yi gëna mak mu moñalé ko ak mom mu juddu walé ko mais da koy neub ci mom manam da ko koy defal ba paré neub ko ci mom voilà lolu mom motax souvent day nek xalé mag ci kër gi nangam gaay kenn du ko soupçonné parce que da koy neub même mom ci bopam du ko gis ci mom après nak la koy dévoiler plus tard lay dévoiler secret bobu ci mom nonou lay défé ben nit ko xamantene day avancer ni nangam mu ñew fekk mu yor ay caractéristiques yu leer voilà ay signature génétique caractéristiques yu clair mu ñew changer totalement signature génétique totalement dindi lepp déprogrammer lepp dugulat ci mom bimu bëgg mom def ci mom secret voilà nga xamantene lo yoy nonu yoy ay mbir la yo xamne yu réel lañ té buñ waxé cheikh boko def radiyallahu dañ ko tuddé non mais en fait en tant que batiru yerente bi sallallahu alayhi wasallam motax lool mom motax leg mom sax bu xamné cheikh ko ko defal day fogné yerente bi la sallallahu alayhi wasallam bu xamul bu comprendreul day fogné yerente bi la sallallahu alayhi wasallam parce que day gis né yerente bi sallallahu alayhi wasallam moy jëflanté ak mom mais en réalité cheikh ko def radiyallahu gis nga té loolu ay réalité la yo xamantene jakle deug yu magi deug du comme niko gaay foggé hein gaay waji dafa ñafé motax mu am limu am dedet dina am nak tout temps ci zahir ni lo xamantene day symboliser jakle gog comme niñ ko xamé man ci ay xéti ay yo xamné ay jëf la ay ki mais yoyu ko yalla yombal la kullun muyassaru lima khuliqala comme niko hadith bi wax kenn ku ci nek yalla daf la yombal le pourquoi mu bind la lol la mais yoyu dou l'intérêt nak di and ak nitu yalla yi ak di dugg ci sen ki ci sen ron mi d'ailleurs lol mom motax mu bok ci tegg ni masala serigne bi bula maye par exemple yere wala bula maye ben objet wala ni nga bañ ko maye yow tamit parce que probable na lot que ni secret bi nga xamantene mom la def ci yow ci affaire bobu la ko def et que peut-être que sax mom bu fi jogi genn aduna ay jamono après ci le secret bi yow di feñ ci yow boko maye nak mom maye nga su secret manam boko maye di maye su secret yalla sam voilà donc yoyu hein ci walu waaw ha lolu ya ko matna baye xel ci walu gogum kon xamna ñu dom fofu inshallah jotaay bi wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.